vieux, le balcon d'en face. De 4-17, je m'enfume dans les chiottes. Dans un train qui va faire Paris-Rennes. Y'a des trous dans la semelle de mes pompes, je reçois les amendes de mes fraudes par email. La vie, je l'aime en toute sincérité. Y'a les chemises en cours sans s'arrêter. Des problèmes de confiance à régler. Trop solitaire, je crois, ça ne m'a pas aidé. Des histoires à l'ancienne. Ouais, on se promet tellement de choses. Ouais, je m'enfonce au fond du siège. Ouais, des fois je perds le contrôle. Des fois je m'enfume à mort. Des fois je me tease à mort. Je sais plus ce que je contrôle, si je fuis la vie ou bien la mort. Direction vers l'enfer, pourvu qu'on bloque la porte. J'ai des problèmes à vivre, tu veux me suivre, monte à bord. Je m'en bats les couilles des gens. Je m'en bats les couilles des gens. Et de toute façon, nique sa mère, c'est pour les miens et moi d'abord. Je repars plus en arrière, même si derrière y'a la mer. J'ai un flash dans le sang, c'est pas pour les photos que j'ai mis le pet ensemble. Elle dit que mes sons ils sont aptes ensemble, mais ma musique pour elle c'est son seul pansement. J'ai des frérots sur le bord de la touche, un peu parano ils cassent la cime. L'été j'emmène mes gars, y'a pas de taxi. Tu pédales sur le lac d'Annecy, j'suis à l'aise, envoie la loc. J'pars toute la nuit, j'reviens à l'aube. Fini les travers, j'deviens un homme. Maintenant j'suis relax devant la note. Petite chaîne en argent, maillot floqué. Puis long devant l'agence juste pour le chauffer. On rappait sur le palier, on chuchotait. J'en ai monté tellement depuis j'suis choqué.